Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui, dans Portrait d'assaut, découverte du Café des Langues, un rendez-vous convivial qui fait dialoguer les cultures et les langues à Nancy. Mais le Café des Langues, ce n'est pas une association. Pour en parler, nous accueillons en studio Benjamin. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi le Café des Langues ? En fait, c'est un événement qui a lieu chaque semaine où les personnes peuvent venir librement, sans engagement. Il y a simplement l'organisateur qui va être présent. Ça existe depuis quand, le Café des Langues à Nancy ? Et comment c'est né ? Le Café des Langues, il a été créé en 2010 à Nancy, donc ça fait un peu plus de 15 ans. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'il a lieu au McCarthy, toutes les semaines, quasiment sans exception. Pour en revenir au concept du Café des Langues, donc c'est un concept qui existe dans le monde entier, mais qui a vraiment explosé dans les années 2000-2010, avec la croissance de la mobilité étudiante, notamment Erasmus, et le développement d'Internet et des réseaux sociaux. On va pouvoir trouver un Café des Langues à peu près dans chaque grande ville de France. Un rendez-vous qui a donc lieu, on l'a dit, au McCarthy, c'est le mercredi à 20h, c'est ça ? Oui. Et comment ça fonctionne alors ? On vient comme ça ? On vient comme ça, à l'heure qu'on veut. Alors à minuit, c'est peut-être un peu trop tard, hein, mais on commence à partir de 20h. Vous serez accueillis chaleureusement. Comment vous avez connu et comment vous avez accroché à ce concept des Cafés des Langues ? Alors moi, j'ai appris par le bouche à oreille que ce Café des Langues existait. Donc j'y suis allé parce que c'est un concept que j'aime beaucoup. Au bout de quelques semaines, j'ai appris que les organisateurs du moment soit n'avaient plus le temps ou alors ils avaient l'intention de déménager. Bah, il fallait quelqu'un pour reprendre l'organisation, donc je me suis porté volontaire, voilà, tout simplement pour reprendre l'organisation. Et qu'est-ce qu'on y fait dans un Café des Langues alors ? Donc le concept, c'est de créer un moment convivial où on peut parler n'importe quelle langue et aussi et surtout de favoriser les échanges interculturels. Et donc au niveau des activités, c'est vraiment variable, ça va un peu dépendre de l'humeur du jour. Hein. Ça peut être soit des discussions informelles, parfois il va y avoir des jeux de société qui mobilisent la langue évidemment. Ou alors ça peut être des discussions plus guidées avec l'aide de cartes à thème. Par exemple, parler de quelque chose d'emblématique de son propre pays, des particularismes, voilà, des choses bizarres, des mots bizarres, des expressions drôles, quelque chose qui va faire parler la personne de sa propre culture. C'est vraiment favoriser la découverte de nouvelles cultures. Pour nous faire voyager, quels pays sont représentés lors d'un Café des Langues ? On a vraiment des personnes qui viennent du monde entier. On n'a vraiment pas de problème à mobiliser des étrangers de partout. Des pays qui ont pu me surprendre simplement parce que j'avais jamais rencontré ces nationalités avant. Bah, par exemple, des personnes du Kazakhstan, d'Afghanistan, du Pérou, d'Iran. Sinon, on va avoir des personnes du Japon, de Chine, Colombie. Et sinon, on va dire les personnes qui représentent le plus le public du Café des Langues. Je peux dire que c'est grosso modo les pays du pourtour méditerranéen, à savoir l'Europe, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Donc ça fait vraiment voyager, puis ça fait aussi parfois casser un peu des barrières ou des a priori. Exactement. Et d'ailleurs, quand les barrières tombent, on ressent profondément le sentiment d'appartenance au monde. Et c'est un sentiment qui est vraiment très précieux, je trouve. Et ce rendez-vous des Cafés des Langues, c'est toujours au McCarthy, hein, c'est proche de la place Carnot, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça, donc ça fait plusieurs années que ça a lieu au McCarthy, et je dois dire qu'on est vraiment content de ce lieu, on y est super bien accueillis, le personnel est super sympa. Et les personnes qui viennent à ces rendez-vous du Café des Langues, c'est qui ? C'est que des étudiants, c'est des jeunes, moins jeunes ? Alors, vraiment, tout le monde est le bienvenu au Café des Langues, hein, tous âges, toute nationalité, donc les Français comme les étrangers. Et d'ailleurs, les Français peuvent permettre à des étrangers de pratiquer la langue française avec des locuteurs natifs, ce qui est vraiment très apprécié par ces personnes. Et sinon, au niveau du type de profil, ben, c'est pareil, c'est très varié. On va avoir des étudiants ou des jeunes actifs. On a aussi beaucoup de doctorants, parce que la recherche est très présente à Nancy. Et parfois, il peut y avoir des réfugiés politiques également, qui sont vraiment très, très motivés pour parler français et pour rencontrer des Français. Si on veut participer, il suffit de venir un mercredi à 20h. À partir de 20h, vous aurez une personne qui sera présente, un organisateur, Open McCarthy, qui va vous accueillir. Et puis, vous pouvez venir 21h, 22h. Après, c'est vrai que comme c'est en semaine, les gens restent pas très tard en soirée. Donc, c'est mieux de venir avant 22h. Voilà. Et est-ce qu'il y a des temps forts ? Est-ce que vous organisez parfois des rendez-vous un peu particuliers qui sortent de ce rendez-vous hebdomadaire ? Alors oui, par exemple, au mois de décembre, on a organisé une soirée spéciale en collaboration avec l'association L'Orital. Qui est autour de la culture italienne. C'est ça, voilà, on a accueilli une vingtaine de personnes et à ce moment-là, on avait prévu des activités un peu spéciales qui sortaient de l'ordinaire. Ouais. Si on veut en savoir plus, est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'on peut suivre un peu l'actualité du Café des Langues? On a une page Facebook et une page Instagram qu'on essaye de mettre à jour le plus régulièrement possible. Et simplement, vous cherchez Café des Langues Nancy sur Facebook ou Instagram et vous nous trouvez. Et pour conclure, Benjamin, un dernier argument pour donner envie aux gens de venir lors de ces rencontres du mercredi soir au McCarthy. Vous, qu'est-ce qui vous avait donné envie de venir? Alors, très simplement, moi j'aime beaucoup voyager et je suis comme tout le monde. Il a fallu que je retourne à une vie normale. Et en fait, je vois le Café des Langues comme une manière de faire venir le voyage à moi. Merci à Benjamin. Vous retrouverez le Café des Langues pour suivre son actualité sur Facebook et Instagram. Nous remettrons les liens sur le site internet de la radio, radiofadjet.net, avec le podcast de cet entretien. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.